Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, la semaine du 18 au 25 janvier est traditionnellement consacrée par les chrétiens à la prière pour l'unité des chrétiens. Ainsi, nous recevons aujourd'hui trois personnes fortement engagées dans le dialogue œcuménique pour parler de la situation actuelle du dialogue interconfessionnel dans le monde et en particulier en France. Ce qui sera fait à l'émission suivante, puisque nous consacrons deux émissions à ce sujet. Réunis donc autour de ce micro, le père Michel Malèvre pour l'Église catholique, qui est directeur du service national pour l'unité des chrétiens auprès de la Conférence des évêques de France, le pasteur Gilles Daudet pour la Fédération protestante, chargé donc des relations œcuméniques auprès de la Fédération, et Michel Stavrou pour l'Église orthodoxe, secrétaire du comité mixte du dialogue catholique orthodoxe. Père Michel, nous commençons par vous. Quelles sont vos impressions sur le paysage œcuménique tel qu'il se dessine dans le monde et en France peut-être en particulier, et quels sont les sujets les plus importants à votre avis? Il me semble que pour beaucoup de chrétiens, en France en tout cas, nous sommes encore, du point de vue œcuménique, dans un tête-à-tête entre d'un côté l'Église catholique ultra-majoritaire et ce que les fidèles appellent habituellement les protestants, qui sont souvent plus généralement dans nos paroisses des interlocuteurs réformés ou luthériens. Ce que nous constatons aujourd'hui en France et plus largement dans le monde, c'est une transformation profonde du paysage religieux. Je dirais que l'on peut caractériser par trois points. Le premier, c'est quelque chose que nous constatons de plus en plus, le basculement nord-sud du centre de gravité du monde chrétien. Il y a de plus en plus une majorité de chrétiens en Amérique du Sud, en Afrique et même en Asie. Et nous en voyons concrètement la conséquence avec la venue, l'émergence dans nos quartiers de communautés venues d'Afrique notamment ou d'Asie, ces communautés issues de l'immigration, de sensibilité pentecôtiste et qui donc sont témoins de cette nouvelle sensibilité et de l'importance que le christianisme prend dans les pays du Sud. Ce qui est important d'un point de vue œcuménique, c'est que ces pays du Sud sont moins confrontés à des questions doctrinales, parce que c'est pas dans ces pays que sont nées les grandes fractures entre les églises, mais davantage à des questions de survie. Et donc, évidemment, le dialogue théologique en vue de reconstruire l'unité entre nous occupe sans doute dans leur conscience d'église moins de place que par le passé. Je dirais en Europe. La deuxième caractéristique, à mon avis, c'est ce que l'on pourrait appeler le décloisonnement confessionnel. Lorsque le mouvement œcuménique est né au début du XXe siècle, il y avait de grands ensembles. Des pays étaient presque unanimement catholiques, d'autres presque unanimement orthodoxes, d'autres presque unanimement anglicans ou luthériens ou réformés. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Eh bien qu'il y a des chrétiens de toutes les églises dans tous les pays. Nous avons en France, d'après le Conseil œcuménique des églises, 740 000 orthodoxes, avec les migrations qui arrivent des pays de l'Est et des Balkans. On me disait il n'y a pas très longtemps, 200 familles géorgiennes à Brest. Les Bretons, habitués à dire que l'œcuménisme n'est pas un problème chez eux, ils ont là une réalité concrète. Il y a, bien entendu aussi, une présence importante de l'anglicanisme en Afrique, ce qui a des conséquences sur l'équilibre de la communion anglicane. Et il est évident que, aussi, les migrations à l'intérieur de l'Europe ont des répercussions au sein de l'orthodoxie, c'est quelque chose que nous savons bien. La troisième caractéristique, je dirais, c'est un peu le changement de mentalité. Nous sommes passés d'un monde assez stable, assez rural, où les institutions ecclésiales étaient respectées et où il y avait un sens communautaire assez important, à un monde aujourd'hui où il y a davantage d'individualisme, où il y a davantage un primat de l'affectif, où les institutions sont beaucoup plus mises en cause et où, du fait que tout bouge, un certain nombre d'hommes et de femmes, soit, je dirais, sont en recherche d'épanouissement personnel au risque de tomber peut-être dans une certaine forme de matérialisme, et d'autres sont en quête de valeur. Alors, cette quête de valeur, elle peut se caractériser par une espèce de zapping spirituel, comme on dit parfois, où l'on va d'une communauté à l'autre en essayant de trouver un lieu spirituel qui va répondre à une attente, ou bien alors un certain repli identitaire chez des personnes qui ont fait une expérience forte de conversion et qui sont très attachées au lieu où ils ont rencontré Jésus-Christ. Alors il est évident que si vous voulez, c'est ce que je dis un peu rapidement et peut-être de façon un peu caricaturale, ont des conséquences sur le mouvement œcuménique et donc le dialogue qui ne se pose plus exactement dans les mêmes termes qu'auparavant. C'est un tableau très complexe que vous proposez. Pasteur Gilles Daudet. Je voudrais bien le complexifier encore un petit peu, si vous voulez, simplement en disant que à cela s'ajoute, je crois aussi, enfin, à ces mutations, à ce brassage, cette table œcuménique qui s'élargit, qu'évoquait le père Michel Malèvre, la pluralisation aussi interne à chacune de nos familles confessionnelles. Et ça, c'est aussi un facteur qui rajoute encore à la complexification. Le fait que aujourd'hui toutes nos familles en interne sont tiraillées, elles sont beaucoup moins homogènes qu'auparavant et elles sont tiraillées elles aussi en interne par un certain nombre de questions qui font que nos relations alors entre familles et confessionnelles sont d'autant plus compliquées qu'à l'intérieur de nos familles confessionnelles on a en quelque sorte ces tiraillements. On est dans une période, je trouve, assez paradoxale et sur ce plan-là tout à fait intéressante et stimulante parce qu'elle nous provoque au dialogue en quelque sorte. On peut pas s'endormir en écuménisme aujourd'hui, ou alors on fuit, on ferme les yeux, on regarde pas et on fait comme si on était tout seul au monde, ou alors on est obligé d'entrer dans ce dialogue, de regarder l'autre, de tenir compte de l'autre, parfois de porter les fardeaux les uns des autres, et ce n'est pas simple et en même temps stimulant, je trouve. Michel Stavrault, je rappelle que vous représentez l'Église orthodoxe mais que vous êtes professeur de dogmatique. Alors, dans ce tableau aussi complexe que vient de complexifier, comme l'a dit le pasteur Daudet, comment voyez-vous le rôle de la doctrine ? D'abord, je voudrais aller dans le même sens de ce que dit le pasteur Gilles Daudet, parce qu'effectivement, nos églises aujourd'hui sont confrontées à des défis qui les dépassent, pour ainsi dire. Le tableau politique, le tableau social qui évolue avec la modernité ou postmodernité. Bref, nos églises sont confrontées à toutes sortes de questions, en particulier le mouvement vers l'unification européenne. La mondialisation, bon, ce ne sont pas des vains mots, ce sont des réalités, et les églises essayent modestement de prendre les réalités à bras le corps, et elles essayent de le faire, je pense, de manière unie. Et là, je crois que c'est un sens des réalités qui les guide, parce que il est clair que si nous abordons ces défis de façon séparée, nous avons peu de chances de pouvoir les relever comme il convient. Là, je crois qu'il est important de souligner que la démarche œcuménique, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, non seulement par rapport à ces défis qui guettent toutes nos églises, mais par rapport tout simplement au témoignage de l'Évangile aujourd'hui. En un siècle de sécularisation qui progresse, ben, il faut bien le constater, où la foi doit être de plus en plus purifiée, qualifiée dans le sens profond du terme. Et c'est là que je réponds d'une certaine manière à votre question, la doctrine. Ben, l'exigence d'une doctrine qui corresponde à la tradition au sens fort, c'est-à-dire l'Église des apôtres, l'Église de Jésus-Christ, fondée par Jésus-Christ et ensuite assise par les apôtres, c'est une nécessité. C'est une nécessité et pour cela, nous devons nous rencontrer, nous devons échanger. Et pour cela, nous devons nous connaître en même temps. Il y a donc un double dialogue pour reprendre ce que nous connaissons depuis 40 ans, dialogue de la vérité et de la charité qui se manifeste plus particulièrement, mais pas seulement, entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. C'est indispensable, je pense, de continuer sur les deux aspects de ce dialogue. Et cela à tous les niveaux, pas simplement au niveau institutionnel, mais au niveau de nos paroisses, au niveau des simples fidèles, au niveau des personnes. Voilà ce que je dirais de façon générale, et ce que je voudrais également ajouter, et qui concerne davantage cette année, c'est que nous avons eu une année 2006 de qualité du point de vue œcuménique. C'est un grand cru, on pourrait dire, hein, pour employer une métaphore viticole, dans la mesure où la vigne est un symbole ecclésiologique important. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des événements importants. Alors, il y a eu Porto Alegre, la grande rencontre au sommet du Conseil œcuménique des Églises. On va sans doute en reparler dans un instant. Mais il y a eu également la reprise du dialogue théologique. Vous parliez de doctrine, donc c'est le dialogue officiel entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. Et c'est en septembre dernier à Belgrade que cette réunion s'est tenue, après tout de même 6 ans d'interruption, pour toutes sortes de raisons, bon, sur lesquelles on va revenir. Deuxième événement important, c'était le fameux voyage du pape Benoît XVI en Turquie, qui avait des dimensions interreligieuses et politiques évidentes, mais qui, à l'origine, était tout de même la rencontre avec le patriarche œcuménique Bartholomée. Et troisième événement, qui à mon sens a peut-être encore plus d'importance, c'est la visite du primat de l'Église orthodoxe de Grèce, Monseigneur Christodoulos, qui s'est rendu, comme vous le savez, en visite officielle à Rome. Et c'était un événement considérable, puisque c'était la première fois dans l'histoire que le primat de l'Église de Grèce visitait l'Église catholique officiellement. C'est un événement important, on y reviendra. Tous ces événements soulignent que cette année a été fertile en événements œcuméniques. Père Michel, l'actualité mondiale œcuménique vue du côté catholique ? Je pense que nous pouvons partager tout à fait ce que Monsieur Stavro vient de souligner, parce qu'il est évident que la reprise du dialogue théologique, la rencontre entre le patriarche Bartholomée et le pape Benoît XVI, ainsi que la visite de l'archevêque Christodoulos, sont des événements très importants. Alors j'irais, comme l'a suggéré Michel Stavro, il y a d'autres événements qui, d'un point de vue catholique, sont importants. J'en signalerai un. C'est la signature par la Conférence méthodiste mondiale de l'accord sur la justification que la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique avaient signé en 1999. La question de la justification par la foi, ça ne dit peut-être plus grand-chose aujourd'hui à la majorité des chrétiens, c'est quand même une des grandes questions au cœur du débat entre catholiques et protestants au XVIe siècle et depuis. Une question qui court au sein de l'Occident sur le rapport, au fond, entre la grâce et la liberté, pour faire un peu rapide. Et le fait que la Conférence méthodiste mondiale, qui représente cette grande famille méthodiste très peu présente en France, mais très importante dans le reste du monde, se soit joint à la signature qu'avaient donnée catholiques et luthériens, est un événement qui, à mon sens, est très important. Alors, bien entendu, beaucoup soulignent que cette déclaration sur la justification n'a pas encore porté tous ses fruits, notamment sur le plan ecclésiologique. Mais l'ecclésiologie, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Stavrou, est au cœur de tous les dialogues théologiques. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Pasteur Gilles Daudet, côté protestant, l'événement le plus marquant ? Alors, il y a sans doute pas d'événement symbolique très fort du genre la rencontre de Benoît XVI avec le patriarche Bartholomée, encore que ça concerne aussi les protestants, si on pouvait dire ça comme ça, en tant que chrétienté occidentale, hein, au fond, ils sont pris d'une certaine manière, donc ils peuvent pas être complètement indifférents à cette idée lorsque le patriarche d'Occident rencontre le patriarche d'Orient, si on pouvait le dire comme ça. Voilà. Mais peut-être que sans doute, et de ce point de vue-là, donc on se sent un peu concerné. Il y a un autre élément qui me paraît important, c'est que, au fond, du point de vue protestant, les dialogues théologiques n'ont jamais cessé. Alors on disait là, l'événement, c'est la reprise des dialogues orthodoxes catholiques. Et du côté protestant orthodoxe, que ce soit avec l'Alliance réformée mondiale, la Fédération luthérienne mondiale, ou sur le plan européen, les dialogues se sont poursuivis et il y a tout un travail d'approfondissement qui se fait. Alors c'est pas visible, effectivement, c'est un peu un travail souterrain, si je puis dire. L'événement sur lequel on pourrait davantage insister, effectivement, c'est sans doute ce qu'évoquait tout à l'heure Michel Stavrou, c'est-à-dire l'Assemblée mondiale de Porto Alegre, du Conseil œcuménique des Églises, qui rassemble la majorité des églises orthodoxes, anglicanes, et une bonne partie des églises protestantes historiques, en tout cas. Et cette assemblée était quand même une assemblée qui a été marquante, je crois, et qui a pris la mesure des mutations, justement, qu'évoquait tout à l'heure le père Michel Malèvre. Aussi bien le clivage nord-sud aujourd'hui, les nouveaux défis sociaux, politiques, écologiques, qui sont éthiques, qui sont posés devant nous aussi bien que les le défi de la diversification croissante du christianisme, hein, en un siècle d'écuménisme, si je puis dire, à la fois on a fait des pas énormes de compréhension et d'avancée écuménique, et en même temps, il n'y a jamais eu autant de dénominations ecclésiastiques qu'il n'y a aujourd'hui. Le chiffre est énorme, et donc ça nous dit bien que il y a encore un travail là et un défi qui est porté. Et cette assemblée mondiale de Porto Alegre a dit au fond, il me semble que le cri principal était double, si je puis dire. C'était à la fois nous sommes déterminés à demeurer ensemble, même si aujourd'hui on ne peut pas encore complètement être en communion les uns avec les autres. Parfois même dans certains lieux, on ne se reconnaît pas mutuellement le baptême. Hein. Mais nous sommes déterminés à demeurer ensemble et à marcher ensemble dans la même famille qu'est ce Conseil mondial des Églises pour avancer malgré tout. Et au fond, cette volonté réaffirmée au moment où l'on sent une recomposition complète des relations de nos églises et des nouveaux défis qui se posent dans notre monde n'était pas négligeable. L'autre, c'était ce cri au fond qui était le thème du Conseil œcuménique des Églises et de cette assemblée, transforme le monde, Dieu, dans ta grâce, hein, qui était une prière, en même temps un engagement, qui dit bien au fond le moment charnière dans lequel se trouve notre société et notre monde aujourd'hui, et le rôle au fond qu'ont les Églises aussi, à commencer par ce rôle de la prière et de l'intercession. Alors, on a invoqué les problèmes, la situation, les symboles aussi. Mais concrètement, comment cela se passe-t-il? Est-ce que ça arrive jusqu'aux chrétiens, vraiment, jusqu'à la base, je dirais? Michel Stavro, qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment ces symboles, à part la portée vraiment très forte de l'image, par exemple, on a vu sur le balcon du fanard le patriarche et le pape qui se tenaient par la main, etc., devant la foule. C'est un symbole qui est fort. Mais est-ce que vous pensez que ça arrive vraiment à transformer, en quelque sorte, la pensée du fidèle? Effectivement, vous posez une question importante à laquelle il est difficile de répondre de façon simple. Je pense que tous ces événements de forte portée symbolique et émotive ont certainement une incidence sur le regard des fidèles. Mais je pense que ça se fait de façon médiate, par le temps, la réflexion, par des réceptions, en quelque sorte, de ces gestes qui se font par l'intermédiaire, on peut dire, des pasteurs, des communautés. C'est commenté, c'est parfois rejeté. Vous savez qu'il y a eu une réaction officielle du mont Athos qui a rejeté l'ambiguïté de telle rencontre. Peu importe, je pense que le mont Athos joue son rôle de garant un peu rigide de l'orthodoxie, on sait très bien. Mais je pense que la majorité des fidèles ont été très heureux de cette rencontre extraordinaire qui a eu lieu à Constantinople, Istanbul. C'est ce qu'il faut souligner, je pense que c'est cette phrase que les deux primats ont mise en évidence dans leur communiqué officiel. Nous n'avons pas encore tiré de cet acte, à savoir la levée des anathèmes qui avait eu lieu, comme vous le savez, en 1965, donc il y a quand même 40 ans, nous n'avons pas encore tiré de cet acte toutes les conséquences positives qui peuvent en découler pour notre marche commune vers l'unité. C'est remarquable. C'est remarquable et il me semble que c'est une déclaration inspirée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il me semble qu'au bout, nous avons la reconnaissance mutuelle d'ecclésialité entre nos églises. Ce qui est implicite du côté catholique vis-à-vis de l'orthodoxie est plus difficile de la part de l'Église orthodoxe vis-à-vis de l'Église catholique. Même si nous avons tous ces gestes fortement charismatiques de reconnaissance mutuelle implicite, nous n'avons pas de déclaration officielle pour l'instant de la part de la communion des Églises orthodoxes vis-à-vis de l'Église catholique romaine et encore moins vis-à-vis des Églises protestantes. Et là, il y a un véritable problème, c'est qu'il n'y a pas tout à fait de consensus, on n'est pas encore dans un consensus du côté orthodoxe sur cette question. Parce que souvent, les orthodoxes sont maximalistes, ils considèrent qu'une reconnaissance de l'ecclésialité, ça signifierait la pleine communion. Et là, je crois que c'est une erreur. La reconnaissance du baptême des autres chrétiens ne signifie pas nécessairement que nous sommes déjà dans la pleine communion, nous sommes en chemin. Mais ce serait un pas, une étape importante. Et dans cette phrase clé qui a été prononcée par les deux primats, je crois qu'il y a les germes de quelque chose qui avance. Et ça, il faut le souligner. Père Michel Malèvre, pensez-vous que côté Église catholique, il y a un consensus concernant les relations œcuméniques ? Vous savez, je pense que dans toutes nos familles ecclésiales, il y a, je dirais, un peu trois groupes. Il y a d'un côté les passionnés de l'écuménisme, qui souvent sont un peu déçus que les choses n'avancent pas plus vite. Il y a ceux qui sont très méfiants, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de l'écuménisme, parce qu'il leur semble que c'est un abandon de conviction. Et puis il y a au milieu beaucoup de chrétiens pour lesquels ce sont des questions qui dépassent beaucoup, je dirais, leur compréhension. Tout à l'heure, Michel Stavron insistait sur l'importance des dialogues théologiques. Je pense, moi aussi, et l'Église catholique insiste souvent, les questions que les experts débattent dans des dialogues sont des véritables questions. Et si on ne les résout pas, si on n'essaye pas de surmonter les causes des conflits, elles reviendront. Il ne faut pas se faire d'illusions. Seulement, le problème, c'est que beaucoup de nos fidèles dans le monde d'aujourd'hui n'ont plus le même enracinement doctrinal qu'il y avait autrefois. Et beaucoup de ces dialogues théologiques leur semblent vraiment pinailler sur des choses qui ne leur disent rien dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi le cardinal Casper, qui est le président du Conseil pour l'unité des chrétiens, lors de la récente assemblée plénière du Conseil pontifical, donc le ministère de l'écuménisme de l'Église catholique, a insisté sur le fait qu'il faudrait certainement accorder une place beaucoup plus importante à ce qu'il appelle l'écuménisme fondamental. Essayer de réexpliquer auprès de nos fidèles en quoi l'unité des chrétiens est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'ils peuvent le découvrir dans un monde où aujourd'hui on sent la nécessité d'annoncer Jésus-Christ. Eh bien, il est clair qu'on ne peut pas essayer de contribuer à porter notre pierre au rassemblement de tous les enfants dispersés si nous ne faisons pas le rassemblement de tous les chrétiens divisés. Il faut dire que tout le monde est d'accord sur le, puisque c'est le Seigneur qui nous l'a dit, qu'il soit un. Mais après, pour l'application, évidemment, c'est un peu différent. Mmh. Mais ça n'empêche pas de travailler sur les consciences, en tout cas. Et je crois que c'est peut-être le rôle aujourd'hui principal. Au fond, on est dans le basculement d'une génération à l'autre en ce moment. Au fond, la génération qui a connu le grand essor après Vatican II, le grand essor écuménique qu'a déclenché l'entrée de l'Église catholique dans le mouvement écuménique, cette génération-là arrive à son terme. Et on a dans l'Église maintenant une nouvelle génération qu'il faut à nouveau resensibiliser, retravailler. La transmission, en quelque sorte, ne s'est pas faite, mais ça, c'est pas nouveau. C'est dans toute la société où on a une difficulté de transmission. Et je crois que là, il y a une question qui est essentielle, celle de la, au fond, de la transmission de la sensibilité, de la conscience écuménique, de ce que ça signifie pour les membres de nos églises que d'être dans ce mouvement de recherche de l'unité qui nous est donnée par le Seigneur. Alors, il faut compter avec le facteur temps, il faut sans doute inventer de la pédagogie, il faut sans doute revenir à l'écuménisme spirituel. Le cardinal Casper, dont on parlait, le père Malèvre vient de sortir un petit livre justement sur cet écuménisme spirituel. Il faut développer les rencontres, il faut faire des choses ensemble, et on peut faire beaucoup de choses ensemble pour retrouver justement cette conscience écuménique et cette marche, et puis d'abord commencer par découvrir l'autre dans un monde qui quand même finalement est de plus en plus décloisonné, qui ne favorise pas forcément la rencontre, ou alors s'il favorise la rencontre, c'est une rencontre de type superficiel, voire un peu relativiste ou syncrétiste. Alors finalement, on est dans un monde assez paradoxal, ou bien on veut voir personne, ou bien on est dans le fusionnel, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde, etc., ce qui génère tout autant de violence de l'autre côté. Il me semble qu'on a là une pédagogie écuménique à avoir dans nos églises. Et si c'est pas les ministres de nos églises qui les font, si ce sont pas les responsables de nos églises qui font cette pédagogie, si ce sont pas les membres engagés de nos églises qui font cette pédagogie, alors je sais pas qui va la faire. Oui, là, je crois que vous avez entièrement raison, et c'est pourquoi il faut voir vraiment, je pense, avec grand intérêt ce voyage qui a eu lieu de Mgr Christodoulos à Rome, parce que finalement, s'il a pris le parti de la collaboration active et presque quotidienne avec l'Église romaine, c'est parce qu'il y a des enjeux, comme vous le savez, sur la préservation des racines chrétiennes dans l'Europe qui se construit. Et donc, nous devons travailler tous ensemble, toutes nos églises, sans laisser de côté les questions dogmatiques, bien entendu, mais en gardant l'œil sur notre rayonnement dans le monde et le rayonnement surtout de notre unification croissante. Et je pense que, en plus, le fait de nous fréquenter davantage nous aidera chacun à nous purifier, je dirais, de tous les excès, de tous les aspects négatifs de nos qualités, si je puis dire, qui, au lieu d'être une mise en valeur d'un don du Christ, sont souvent ressentis comme une menace ou comme une déviation de l'autre. Je crois que le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur la conversion nécessaire de l'Église catholique, et le pape Jean-Paul II insistait sur le fait que l'écuménisme est un échange de dons. Et je pense que plus l'Église catholique dialoguera au quotidien et à tous les niveaux avec l'Église orthodoxe, plus elle découvrira des choses qui nous manquent sans doute, comme la synodalité par exemple. Merci beaucoup. Donc avant de terminer, je demande au pasteur Gilles D de nous présenter l'émission protestante qui suit la nôtre aujourd'hui, parce qu'il s'inscrit tout à fait dans le cadre œcuménique. Oui, alors dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité, le culte protestant qui suit, nous avons invité pour cette occasion-là le père Iulian Nistea, qui est de l'église orthodoxe roumaine donc à Paris. C'est l'occasion de souhaiter en même temps la bienvenue aux 30 millions d'orthodoxes qui rejoignent la communauté européenne et d'entrer dans cette année en priant avec eux. Écoutez, merci beaucoup. Nous allons continuer cette discussion. Avant de terminer, je voudrais signaler la tenue d'un colloque à l'Institut Saint-Serge. Ce sera le samedi 17 février sur Nicolas Cabasilas, avec la participation de Mgr Callisto Zouer, du père Job Guetcha, d'André Loski et de deux spécialistes de Nicolas Cabasilas, Marie-Hélène Concourdeau et Giuseppe Conticello. Pour les renseignements et les inscriptions, il faut appeler le secrétariat de l'Institut au 01 42 01 96 10. Nous retrouvons donc le père Michel Malèvre, Michel Stavrou et le pasteur Gilles Daudet dans 15 jours pour notre émission suivante. Ce sera le dimanche 4 février. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Pierre Mine. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris-Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.